Embrasse mon cul, petit PD de merde. La France vient me faire sa crise de nerfs. Chef de file, désolé de revenir énervé. J'espère que tu as ramené en invité ta PRP. Ben ouais, faut bien l'avouer, j'suis sorti de ma tombe. Viens braquer ta lumière avant de repartir à ta ronde. Le tsunami n'est pas là, c'est le réveil du masque noir. Une nuit de dark, j'inonde les faux quand je m'endors chaque soir. Au réveil, une nouvelle mentalité fait son show. Terroriste Eryx, défiguré, j'ai toujours le sang chaud. Dans les faits divers, je reste vrai, quoi que je fasse. Une batte de baseball me suffit pour exploser les troncs, je taffe. Tout le monde debout, que la fête commence. J'ai gorgé les Lady Gaga pour vous offrir une batte remède. Tu prépares ton piège. Mais j'ai vu ton appât, j'suis déjà cinglé bâtard. Appelle-moi Mister Appa. Qui revient, c'est le masque noir. Évite de me croiser quand tu frottes la rue tard le soir. Je dérange, je dégoûte, je suis détesté. Je suis de retour dans le RAP. Qui revient, c'est le masque noir. Évite de me croiser quand tu frottes la rue tard le soir. Je dérange, je dégoûte, je suis détesté. Je suis de retour dans le RAP. En route, on se reverra en 2012. J'ai le blues mélangé au cafard quand j'ai du demi-blues. J'ai fait couler mon stylo pour un instant tragique. Je te ferai signe à la fin si les flics rappliquent. Regarde-moi, je suis bel et bien dans une mauvaise phase. Des verres découplés et des larmes dans cette mauvaise passe. Remercie tous mes braves, mes fans et ma famille. Rien à foutre des derniers, mon assurance vie est en Afrique. Papa 6, cocktail, molotov. Mon destin n'est pas un rêve autonome. Je fais flipper tes gosses à la récré. Je carotte ton blé. Une fois largué les amarres, laissez tout tomber. Car y'en a pas un qui miserait sur le pont cheval. Je suis le cousin du chétan, je suis le fils de Lucifer, pédale. En vérité, je vous encule tous comme ses refs. Papa 6, la brutalité n'est pas un échec. Qui revient, c'est le masque noir. Évite de me croiser quand tu frottes la rue tard le soir. Je dérange, je dégoûte, je suis détesté. Je suis de retour dans le RAP. Qui revient, c'est le masque noir. Évite de me croiser quand tu frottes la rue tard le soir. Je dérange, je dégoûte, je suis détesté. Je suis de retour dans le RAP. Qui revient. Regarde-moi, je suis très loin devant tous ces raclos. Je cache ma rage pour cracher ma haine à coups de marteau. Ennemi public numéro 1, je m'en fous de cette devise. Pour ta notice en carton, c'est la victoire que je vise. Regarde-moi, j'ai toutes les cartes en main. Y'a pas à dire, je ne vais pas revenir en vain. Merci à mes fans pour mon existence. Je fais de la résistance, la chambre froide est mon lieu de résidence. Regarde-moi, j'ai les poings serrés comme Marc Notary. Une dose de motivation pour remonter dans la partie. Entre mes yeux, tu peux lire du sang dans ma vision. Vous êtes des merdes qui cherchent à tout prix la division. Regarde-moi, les flammes commencent à débarquer. Fils de pute, je suis là pour me faire remarquer. T'es dans les barrages, je vais fermer ton clapet de merde. Laisse ta femme me remettre une nouvelle fois à l'envers. Qui revient, c'est le masque noir. Évite de me croiser quand tu frottes la rue tard le soir. Je dérange, je dégoûte, je suis détesté. Je suis de retour dans le RAP. Qui revient, c'est le masque noir. Évite de me croiser quand tu frottes la rue tard le soir. Je dérange, je dégoûte, je suis détesté. Je suis de retour dans le RAP.